إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer, c'est le cours 40 dans les durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du livre, c'est un livre du Cheikh Saleh Al-Fawzan sur le fiqh, et on est dans Kitab Al-Zakat, et aujourd'hui on commence le chapitre qui explique la zakat de l'or et de l'argent. Donc le Cheikh il dit Babun fi zakat al-naqdayn. اعلم وفقنا الله وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث. واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى زكاته، وأنما أخرجت زكاته فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها. Donc le cheikh il commence ce chapitre au sujet des deux monnaies ou des deux choses qu'on utilise comme source d'argent, comme d'échange de base pour notre argent, c'est toujours l'or et l'argent. Que le cheikh il dit, sache que Allah nous donne le tawfiq à nous, à moi et ainsi qu'à vous. À moi ainsi qu'à toi. Il dit, sache que la signification de al-naqdain, les deux naqd, c'est-à-dire les deux monnaies qu'on utilise pour nos échanges et pour comme argent, c'est l'or et l'argent. Ces deux métaux précieux qui sont utilisés parmi les métaux entre les hommes pour échanger lorsqu'il y a du commerce à faire ou des choses comme ça, c'est à la base c'est l'or et l'argent. Bien sûr aujourd'hui les gens n'utilisent plus vraiment comme monnaie l'or et l'argent, mais il y a une époque où les gens utilisaient l'or et l'argent comme pièces pour vendre et acheter des choses. Donc à la base c'était comme ça. Aujourd'hui ça a été remplacé par de la monnaie en papier, mais à l'origine c'était des pièces d'or ou des pièces d'argent qu'on utilisait, parce que bon, à un certain moment donné c'était lourd, c'était trop compliqué à transporter, alors les gens ont remplacer l'or et l'argent par de l'argent papier, comme on l'utilise aujourd'hui. Bon, bien entendu, l'argent papier qu'on utilise aujourd'hui n'a pas la même valeur que les pièces d'or et d'argent qu'on utilise, parce que c'est du papier. Hein. Un billet, par exemple, de 20$ ou de 50$ ou de 100$, ou bien de 500€ ou 200€, ou 100€, ou des billets comme ça, ce billet-là, il ne vaut pas sa valeur, dans le sens qu'il ne vaut pas son prix. Le billet de 20$, il ne vaut pas 20$. Le billet de 100$, il ne vaut pas 100$. D'accord? Contrairement à l'or et l'argent. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Et puis, donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que, à la base, la zakat, on la sort sur ces deux métaux-là, parce que c'est ces deux métaux-là qui étaient utilisés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme argent, comme une source d'argent dans les échanges. Et donc maintenant on fait sortir la zakat sur l'or et l'argent et sur qu'est-ce qui sur tout ce qui a été disons tout ce qui remplace ces deux métaux là ou ces deux choses là comme l'argent, puis la monnaie, puis également les bijoux en or et tout ce qui a été moulé ou fondu de ces métaux-là. Donc ça, c'est l'introduction du shir à ce sujet-là. Bien entendu, bon, j'ai ajouté l'explication au sujet des pièces, au sujet de la papier-monnaie, parce que c'était pas mentionné par le shir, mais c'est juste pour ajouter un petit peu plus de clarté puis de compréhension à ce sujet-là. Il y a un détail aussi que le cheikh a mentionné durant le sharh d'un autre dars qu'il a donné. Je pense que c'est l'explication de Bulugh al-Maram dans les durus qu'il a donné audio. Il explique la sagesse dans la zakat et toutes ces choses-là. Et il explique que c'est un bien pour les enfants. Il explique que c'est un bien pour les pauvres. Et que c'est une miséricorde pour les pauvres, que les riches donnent une partie de leurs biens pour que les riches purifient leurs biens, et que ça amène du bien aussi pour les pauvres, parce que ça fait en sorte que ils aient une part de richesse, une part d'argent qui leur revient. Et donc ça amène la miséricorde et le sentiment de joie dans le cœur des gens qui ont moins d'argent, hein, et donc ils n'auront pas de jalousie et d'envie ou de mauvaise pensée envers leurs frères musulmans qui ont reçu de Allah subhanahu wa ta'ala plus de biens que les autres. Et donc il y a aussi là-dedans une forme de solidarité puis d'aide entre les croyants, entre les hommes, pour qu'ils puissent s'aider. Hein? Et dans l'islam, comme le cheikh expliquait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a distribué la richesse et les biens entre les hommes de différentes façons selon sa sagesse. C'est-à-dire, il n'a pas déterminé, il n'a pas distribué les richesses de manière égale, hein, contrairement à ce que souhaiterait par exemple les socialistes et les communistes parmi les koufars, mais il a divisé la richesse entre les hommes de manière inégale, et il a fait ça dans une sagesse et dans un but très précis. Et bien entendu, parmi ces sagesses là il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut mettre ses serviteurs à l'épreuve et il veut les tester, hein? Et donc on a besoin de savoir et d'éprouver les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve dans leur richesse et dans les biens qu'il leur donne, pour voir lequel sera reconnaissant et lequel sera avare, et celui sera ingrat. Donc, ça, c'est des points qui ont été expliqués et mentionnés par les ulama. Et aussi, il y a le fait que, par exemple, aussi, quand on regarde ceux parmi les koufars qui prétendent qu'ils veulent éliminer la pauvreté entre les hommes sur la terre, eh bien on voit que c'est quelque chose, une tentative qui a été totalement insatisfaisante et qui n'a jamais été capable d'être respectée ou appliquée dans son sens réel. Parce que c'est impossible d'enrayer quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Hein? Ça c'est d'un sens, dans le sens qu'il a destiné que les hommes n'auraient pas tous les mêmes quantités de l'esprit. Et ça, ça fait partie de sa sagesse, comme j'ai expliqué. Puis en même temps aussi, c'est qu'on voit que ces gens-là qui prétendent vouloir faire l'égalité entre les hommes et redistribuer les richesses de façon égale, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est d'enlever et de prendre injustement la richesse de ceux qui ont travaillé pour devenir riches et de les faire devenir pauvres, et ils n'ont rien donné aux pauvres. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, ils ont juste rendu tout le monde au même niveau, ou mis tout le monde au même pied d'égalité, tous pauvres, tous dans la pauvreté. Et les pauvres, hein, ceux qui criaient au nom des pauvres qu'ils voulaient établir la justice pour les pauvres et donner aux pauvres, eh bien ils n'ont pas eu rien de plus, ces pauvres-là, malgré tout le bruit que ces gens-là ont fait. C'est ça ce qu'on a vu dans les pays socialistes et les pays communistes. Tout le monde devient pauvre et les pauvres ne gagnent rien de plus et ne reçoivent rien de plus. Donc on a vu que ça c'est des systèmes qui ont échoué et qui n'ont rien amené de bien pour l'humanité. Donc alhamdoulilah, l'islam, on voit que l'islam est venu avec les réponses et les solutions à ces problèmes-là. Donc on va continuer donc dans l'explication de qu'est-ce que le cheikh explique. Il dit que la preuve de l'obligation de la zakat de l'or et de l'argent est établie par le Coran, par la sunna et par l'ijma, c'est-à-dire le consensus des savants de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 34 dans sourate At-Tawbah, et ceux qui trésorisent l'or et l'argent et qui ne le dépensent pas, c'est-à-dire qui ne payent pas la zakat de cet argent-là, hein, qui ne le dépensent pas dans le chemin d'Allah, alors annoncez-leur un dur châtiment. Donc dans ce verset-là, le cheikh il dit qu'il y a une menace sévère et dure pour ceux qui ne font pas sortir la zakat, hein, dans l'or et dans l'argent, et qui mentionne qu'ils auront un dur châtiment. Et dans As-Sahihain, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui possède de l'or et de l'argent et qui ne donne pas leur droit, c'est-à-dire qui ne paye pas leur zakat, eh bien, au jugement dernier, au jour de la résurrection, ces gens-là vont être plaqués par des feuilles de feu, hein, des feuilles de feu. Il y avait un autre hadith aussi qui mentionnait justement que ces gens-là, ils allaient être écrasés ou disons brûlés par des plaques de métal, soit d'or ou d'argent, par lesquelles ils avaient refusé de payer, ben ils vont être comme étampés par, ou bien disons chauffés par ces feuilles ou ces planches d'or et d'argent. Donc c'est ça. Et ça c'est le hadith, et peut-être bon la traduction est peut-être pas à son meilleur, mais bon j'essaie de faire comprendre le mieux possible la signification dans ce hadith là. Après le cheikh il mentionne par la suite que les imams de l'islam ils sont tous d'accord que la signification dans ce verset là de Al-Kanz, qu'est-ce qu'on parle de quand Allah dit Yaknizun, c'est le verbe qui mentionne le fait de trésoriser, de garder les choses et d'en faire un trésor, de les les accumuler et de les enfermer, de les accumuler pour les préserver, pour les garder, pour les rassembler cet or et cet argent-là. Ceux qui font ça et qui n'en font pas sortir, qu'est-ce qui est obligatoire comme zakat? Alors, Yani, ça c'est ceux qui ont fait le péché, qui n'ont pas fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Toutefois, ceux qui ont fait payer la zakat, ceux qui ont payé la zakat de cet argent-là, on n'appelle pas ça dans ce cas-là trésorisé. Dans le sens que s'ils ont payé la zakat, alors ce n'est pas un trésor dans ce cas-là. C'est ça ce que ça signifie. Et Al-Kanz, le cheikh, il dit que Al-Kanz, à la base, ça veut dire des choses qui sont réunies ensemble, des choses qui sont rassemblées une avec l'autre. Et donc c'est ça, quand tu rassembles l'argent ensemble et l'or ensemble, que ce soit à l'intérieur de la terre ou au-dessus de la terre, ça s'appelle quand même un trésor. Donc ça c'est la définition. Après le cheikh il explique les quantités et les valeurs de zakat qui sont obligatoires. Le cheikh il dit فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما سواء كان مدروبين أو غير مدروبين لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار رواه ابن ماجه وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر رواه البخاري والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة والمثقال في الأصل مقدار من الوزن فقال الفقهاء وزنه 72 حبة الشعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاث أسباع جنيه ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 6 مقدار بي لا زكاة دولار lorsque cet or a atteint 20 مثقال. Et aussi quand l'argent a atteint 200 dirhams islam, c'est-à-dire rub' al-ushur, c'est-à-dire un quart d'un dixième. Et ça équivaut à un quartième. C'est-à-dire un quart d'un dixième, ça équivaut à un quartième de cette valeur-là. C'est-à-dire un quartième. De 20 mithqal et un quarantième de 200 dirhams. Peu importe qu'il soit frappé ou non frappé. C'est-à-dire que ces pièces d'or et ces pièces d'argent, c'est pas grave qu'elles soient, qu'elles aient une écriture ou un signe dessus ou non. C'est-à-dire qu'on les ait frappées ou non. L'important c'est que ce soit de l'or ou de l'argent. On donne un quarantième de cette valeur-là. Lorsque elle a atteint ce montant-là de 20 mithqal ou de 200 dirhams, à partir de ce montant-là, en montant, tu dois donner de cette somme-là, un quarantième. Et quand on le met en pourcentage, ça équivaut à 2,5%. C'est ce qu'on dit. 2,5%, c'est la somme que tu dois faire payer comme zakat sur le montant que tu as accumulé. Ok, donc ça c'est basé sur les hadiths, comme le hadith qui est rapporté selon Ibn Omar radiallahu anhu et Aisha radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam Ibn Majah dans Kitab al-Zaka, le hadith 1791, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait pour chaque 20 dinars et plus la moitié d'un dinar. Donc, pour chaque 20 dinars, il prenait la moitié d'un dinar. Donc ça équivaut à un quarantième si tu le mets sur, hein, sur 40. Sinon, c'est une demi sur 20. Et donc ça c'est 2,5% si tu le mets en pourcentage. Et l'autre hadith qui prouve ça aussi, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, « Ofir riqqa rub'u al-ushr » Et pour l'argent, il faut payer le quart d'un dixième, c'est-à-dire un quarantième, ou 2,5%. Et donc le cheikh, il explique que « Ar-riqqa » ça veut dire l'argent qui est pur, l'argent pur, qu'elle soit frappée ou non, hein, qu'elle soit étampée ou qu'il y ait un signe dessus ou non. Donc ça c'est pour les questions de la quantité de l'argent qu'on doit faire sortir. Bien entendu, ça c'est après qu'il y ait après que cet argent-là ait été en ta possession pendant un an, ok, et que c'est que ça atteint le montant minimum du nisab. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, tu dois payer la zakat de 2,5%. Puis on va donner des exemples, puis on va expliquer comment on fait le calcul de la zakat pour en dollars canadiens et en euros, inshallah. Oui. Donc le cheikh, il dit que la valeur du mithqal à la base, hein, le mithqal, c'est une mesure, c'est un poids qu'on utilisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le dirham, c'est pas le dirham qui est utilisé actuellement dans les pays musulmans, hein, c'est, ou bien le dinar non plus, c'est pas le dinar qui est utilisé actuellement dans les pays musulmans. C'est un dinar qui était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un dirham qui était le dirham qui était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas la même valeur que le dinar ou le dirham qui est utilisé dans les pays, dans certains pays musulmans aujourd'hui. Donc ça c'est très important de comprendre ça, et la valeur a été calculée, hein, approximativement pour savoir l'équivalence de ces deux mesures là dans les mesures actuelles qu'on utilise, comme par exemple en grammes aujourd'hui. Et Ali, par exemple, on a trouvé que, après des calculs, que pour un mithqal d'or, si tu veux savoir combien ça pèse, eh bien, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des graines d'orge, ok, puis ils les ont pesées pour voir qu'est-ce qui était équivalent à un mithqal en or, et pour savoir qu'est-ce qui était équivalent en argent, en dirham, combien un dirham était équivalent, c'est-à-dire à quoi ça équivaut un dirham par rapport à des graines d'orge, ok. Et donc c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à faire des conversions de poids et de mesure au sujet de la zakat, et on va expliquer comment. Bon, premièrement, j'avais mentionné que le poids qu'on avait obtenu en faisant l'expérience était de 62 grammes. Hein. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce que j'ai trouvé ces informations-là dans un livre. C'est le tahqiq et les notes du livre qui s'appelle Ad-Durar al-Bahiyya fi al-Masa'il al-Fiqhiyya de l'imam Mohamed ibn Ali al-Shawkani. C'est un tahqiq et un ta'liq du Cheikh Abdullah ibn Salih ibn Mohamed al-Ubaid, qui est publié par Dar al-Asima. Et à la page de ce livre, ça c'est quelle édition? Ça c'est la première édition. Et à la page 185 et 147. Non, c'est pas 147. Non, je me suis trompé. C'est 144. À la page 144, 143 et 144. Dans la note de page, dans la note en bas de page, il explique comment calculer la zakat et il donne les exemples. Comment les ulama ont calculé la la valeur en grammes de, pour, ou en dollars, ou un verre à trouver en dollars ou en rial. Lui, il donne en rial, mais en grammes et en rial pour convertir ces valeurs-là. Et il dit qu'il a fait l'expérience lui-même. Hein, il dit qu'il a pris les 72 graines d'orge, comme on l'a décrit, puis il les a pesées sur une balance électronique. Puis ça lui a donné, il dit que ça lui a donné 3,1 grammes, d'après ce qu'il explique. Mais il y a un problème dans ça, c'est que, bon, moi j'avais pris pour acquis que ces données étaient correctes. Et lui, ça lui donnait 62 grammes. Toutefois, j'ai vérifié dans d'autres livres, hein, parce que après avoir donné le dars, bon, j'ai parlé avec d'autres frères, puis j'ai réalisé qu'il y avait d'autres positions, puis là, je comprenais plus vraiment comment il y avait des différences à ce sujet-là. Alors, je suis allé vérifier dans le volume 39, oui, le volume 39, hein, dans le magazine qu'on appelle Majallatul Buhouth al-Islamiyya. Et ça, c'est un magazine de recherche islamique qui est publié par la présidence de, du secrétariat général du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. Hein, et dans ce volume-là, le volume 39, à la page 246, bon, avant ça, ça commence avant ça, la recherche, mais c'est un sujet qui a été recherché dans ce magazine-là, au sujet des valeurs de la zakat. Et comment on a fait comment on a calculé le nisab, pour arriver à savoir la valeur du nisab à partir des métaux précieux comme l'or et l'argent, pour savoir la valeur du nisab quand on veut le convertir l'argent de papier qu'on utilise aujourd'hui. Donc, il a fait une recherche vraiment détaillée, le cheikh, c'est Mohamed ibn Ali al-Hariri, okay, fait une recherche vraiment détaillée à ce sujet-là. Puis, à la page 246, là, il mentionne les valeurs pour le poids en ce qui concerne le mithqal et le dirham. Et il explique les valeurs. Il dit qu'à la base, dans la charia, le nisab est basé sur un poids et non pas sur une valeur. Donc ça, c'est important de comprendre. Et donc, les poids, c'est le mithqal, 20 mithqal, et pour l'argent, c'est 200 dirhams, comme on a expliqué. Et on a comme donné, comme quelque chose que les savants sont d'accord là-dessus, c'est que 72 graines d'orge, c'est égal à 1 mithqal, et 51 grammes, ou bien disons si tu veux, 50 graines d'orge et 5 demi est égal à 1 dirham. Alors là, à cet endroit-là, on explique que la valeur ou le poids en grammes d'un dirham, hein, ou de 51 graines d'orge si on arrondit, c'est égal à 2,975. Ça, c'est en grammes. 2,975 grammes. Et, pardon. Et pour savoir, pour la valeur du mithqal, combien ça vaut en grammes, un mithqal, c'est-à-dire 72 graines d'orge, eh bien, ça équivaut à 4,25 grammes. D'accord? Donc, un mithqal, c'est-à-dire 72 graines d'orge, c'est égal à 4,25 grammes. Ok? Donc, ça, c'est les valeurs pour un mithqal et un dirham. Là, j'avais expliqué hier d'autres valeurs, ou bien plutôt ce matin, j'avais donné d'autres valeurs pour ces choses-là. J'avais mentionné, je pense, 3,1 pour le misqal et 2,2 pour le dirham. Et donc, ça, c'est des valeurs incorrectes. Donc, il faut corriger ça. Mais à part ça, tous les calculs qu'on avait donnés étaient des bons calculs. C'est-à-dire, les explications étaient les bonnes explications. C'est juste les données du nisab et du poids du dirham et du dinar à la base qui était du dirham et du dinar ou du misqal qui était incorrect. Bon, donc on va reprendre toute l'explication au complet pour expliquer comme il faut les détails de cette question là. Donc on a dit la valeur d'un misqal, c'est le misqal c'est en or. Si on veut avoir sa valeur en graines d'orge, ben bien entendu, les savants, comme je l'ai dit, ils ont pris 72 graines d'orge, puis ils ont mis des graines d'orge pour voir combien était l'équivalent d'un misqal, puis ça donnait 72 graines d'orge. L'erreur, peut-être que le cheikh qui a fait le tahqiq du livre de Durarul Bahiyya que j'ai mentionné tout à l'heure, peut-être que l'erreur qu'il a fait, parce que j'ai téléphoné au cheikh Ismail al-Mundakar au Koweït pour lui demander des questions à ce sujet-là, puis il m'a expliqué que probablement l'erreur qu'il a fait pour arriver à la valeur qu'il a trouvée de 62 grammes, l'erreur qu'il a fait probablement c'est qu'il a pris seulement des petites graines d'orge. Donc, la valeur qu'on a trouvée dans Al-Majalat al-Buhuth, le magazine de recherche islamique, cette valeur-là qu'on a donnée de 85 grammes, ou bien de 4,25 grammes pour le misqal et 2,98, si on arrondit, grammes pour le dirham, ces valeurs-là sont des valeurs, c'est les valeurs sur lesquelles tout les études et les recherches ont été établies, hein, et tous les savants actuellement dans les regroupements de fatwa et les savants dans le monde, ils utilisent cette valeur là de 85 grammes, 4,25 grammes pour le misqal et 2,975 pour le dirham ou 98 si on arrondit. Donc il n'y a pas de doute que ça, c'est la bonne valeur. 85 grammes, c'est la bonne valeur. Puis 4,25 et 2,98, c'est les bonnes valeurs. J'ai vérifié aussi dans le site du Cheikh Farkos et c'était les mêmes valeurs. J'ai posé des questions au Cheikh Ismail Mundakar et il m'a donné cette explication-là. Donc, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. D'accord? Donc, il faut donc se rappeler de ça. Ensuite, on a expliqué que la valeur du nisab c'est 20 mesqal, ok, pour l'or, et pour l'argent c'est 200 dirhams. Donc maintenant, si on veut savoir, comme on a dit tout à l'heure, la valeur du nisab en grammes pour l'or et pour l'argent, eh bien on fait 4,25 grammes fois 20, parce qu'il y a 20 mesqal. 4,25 c'est 1 mithqal, mais si on veut pour savoir la valeur en grammes pour 20 mithqal, on fait 4,25 grammes fois 20 mithqal, et ça donne la valeur de 85 grammes. Donc ça c'est la valeur du nisab pour 20 mithqal, c'est ça la valeur du nisab en grammes. Hein? 20 mithqal égale 85 grammes, et c'est ça le nisab pour l'or. Et il y a maintenant le calcul pour l'argent. Le calcul pour l'argent, un dirham est égal à 2,98 ou bien 2,975 grammes. Donc, on sait que pour avoir la valeur du nisab, c'est 200 dirhams. Donc, tu fais, dans ce cas-là, 2,975 grammes ou 98 grammes si tu veux, et eh bien fois 200, tu multiplies par 200 dirhams, pour avoir la valeur du nisab et ça donne 595. Ça donne 595 grammes. Donc, le nisab pour l'argent, c'est 595 grammes. Et ça, c'est équivalent à 200 dirhams. Okay? Donc, le nisab pour l'argent, c'est 595 grammes ou 200 dirhams. D'accord? Donc, maintenant, on a les valeurs. Maintenant, on a les bonnes valeurs, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va donner l'exemple des calculs pour arriver à trouver la bonne valeur du nisab, mais en dollars canadiens, puis en euros. Comme ça, on pourra savoir à partir de quel montant d'argent on doit commencer à payer la zakat. Ok. Donc, comme j'avais expliqué plus tôt, j'avais le 25 avril, j'ai trouvé la valeur d'une once d'or, ok, sur la bourse. Ok, donc le 25 avril 2007, la valeur d'une once, parce que sur la bourse, en général, ils donnent la valeur en once, d'accord. Alors, c'est-à-dire la quantité ou la valeur qu'ils donnent pour l'or, c'est par rapport à une once d'or. Et une once en grammes, c'est équivalent à, c'est-à-dire une troy ounce en anglais, parce qu'il y a, il y a une once qui est liquide et une once qu'on utilise pour l'or et pour les métaux précieux. Et cette valeur-là en grammes, c'est 31,10, non pas 28, hein, 31,10. Donc, 31,10 grammes était équivalent à 768,15 canadiens. Donc, si on veut savoir la valeur de la zakat ou du nisab, du minimum de l'argent qu'on doit posséder pour être pour avoir l'obligation de payer la zakat, si on veut savoir à partir de combien on doit payer la zakat, eh bien, on fait le calcul de la règle de 3. On fait 85 grammes, qui est la valeur du nisab de l'or, pour savoir combien le nisab en or, c'est 85 grammes. On multiplie ça par 768 et 568 et 15, qui est la valeur d'une once d'or. Ok? Et on divise ça par la valeur d'une once en grammes, c'est-à-dire 31,10 grammes, et ça donne 2099,44. Ok? Et ça, donc, c'est la valeur du nisab en dollars canadiens. Donc, si on veut savoir combien de zakat on doit payer, si on a 2099,44, ben, on multiplie par 2,5, puis on divise par 100. Donc 2,5%. On divise par 2,5%. Et on multiplie par 2,5 et on divise par 100, puis ça donne la valeur qu'on doit payer pour 2099,44 et la somme est de 52,49. Ça, c'est la zakat qu'on doit payer sur cette somme-là. Ok, ça c'est pour le dollar canadien. Et ça, c'est pour le montant minimum. Mais si tu as plus que ça, par exemple, si tu as 3000, pardon, ou 4000, ou 5000, ou 6000, ou 10000, ou 20000, ou 40000, ou ainsi de suite, et bien là, tu donnes 2,5% de cette somme-là. Mais si tu as moins que 2099,44, tu n'as pas de zakat à payer. Et il faut que cette somme-là soit restée, hein, immobile, que tu l'aies gardée pendant au moins un an. Il faut que tu le gardes pendant un an. Il faut que ça ait fait un an. Après un an, tu payes la zakat dessus. Donc, ça veut dire que supposons que tu as au mois de Ramadan 2099,44, ou disons 3000. Tu as 3000$ pour être plus proche d'un montant qui est à l'intérieur de la limite de zakat, en haut du nisab. Donc, t'as 3 000 $. Et là, on est au mois de Ramadan. Donc là, tu gardes cet argent-là avec toi. Et là, tu fais une année au complet, puis là, il y a un autre Ramadan qui arrive. Là, quand l'autre Ramadan arrive, mais là, tu dois faire sortir la zakat de cet argent-là. Parce que ça fait un an. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire 3000 fois 2,5 divisé par 100 égale 75 $. Donc tu vas devoir payer 75 $ de zakat pour 3000 $. D'accord? Donc ça c'est l'exemple. Maintenant, on va dire que on est maintenant au mois de Rabi al-Awwal. Souvent, on est maintenant dans Rabi al-Awwal. Et là, tu as le montant de la zakat. Tu as le montant minimum. Tu as plus que le montant minimum. Tu as 3 000 $. Donc là, tu vas voir si tu mets cet argent-là de côté. D'accord? Tu mets cet argent-là de côté. Là, le mois d'après, Rabi al-Thani, tu reçois une autre somme d'argent qui dépasse le montant de Tunisab. Ok, tu as, on va dire, la valeur de, supposons la valeur de, on va dire, 4 000 $. Ok, 4 000 $. Donc là, pour le mois de Ramadan, tu as donné 3 000 $, tu as reçu 3 000 $, donc tu attends une année pour payer. Là, le mois d'après, là, supposons maintenant c'est Rabi al-Awwal. Mais c'est ça. Donc là, supposons maintenant c'est Rabi al-Awwal. Et là, tu as 3 000 $. Ben, l'année prochaine, au même mois, Rabi al-Awwal, tu vas payer la zakat sur ce 3 000 $. Alors maintenant, Rabi al-Thani, le mois d'après, t'as fait 4 000 $. Donc, l'année prochaine, à Rabi al-Thani, tu vas donner la zakat sur 4 000 $. Et l'autre mois qui suit, c'est la même chose. Chaque fois que, dans ce mois-là, t'as fait la quantité qui atteint le nisab, qui dépasse, eh bien, tu dois payer pour chacun de ces mois-là, la valeur de la zakat que tu dois payer quand ça fait un an. D'accord? Chaque fois que tu as la valeur du nisab. Et comme le cheikh Abdelaziz Ibn Baz, il a expliqué dans son livre de fatwa à propos de la zakat, que c'est permis de payer en avance la zakat si tu sais que, par exemple, tu as cet argent-là, et que tu vas faire un an avec. Donc, au lieu d'attendre que la date de la zakat arrive, puisque toi tu veux, par exemple, tu veux pas avoir à payer à chaque mois un montant de zakat puis commencer à garder ça en note, mais là tu dis moi je veux tout sortir ma zakat d'un seul coup, alors tu le sors, disons, en avance, ton argent n'a pas encore resté pendant un an au complet. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de sortir ta zakat en avance. D'accord? Mais le cheikh Ibn Baz, il expliquait que qu'est-ce qui est bien de faire, c'est de prendre un calepin et d'écrire à chaque fois que tu as un montant qui atteint le nisab, la date à laquelle il a atteint le nisab, pour le garder jusqu'à l'année prochaine. Comme ça, tu sais que quand est-ce que ce montant-là est entré et dans combien de temps ça va faire un an. Comme ça, à chaque fois que tu as un montant qui atteint le niveau du nisab, tu sais exactement à quel moment tu dois sortir sa zakat. Mais si tu veux la faire sortir en avance, c'est-à-dire avant la date à laquelle tu dois la faire sortir cet argent-là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Puis si jamais tu as sorti la zakat en avance, sur 2 ou 3 mois en avance ou 4, C'est-à-dire, on va dire que ce mois-ci, là, tu sais que tu as 2000, le mois d'après, on va dire ce mois-ci, tu sais que tu as 3000, le mois d'après, tu as 3000, le mois d'après, tu as 3000, le mois d'après, tu as 3000. Donc, tu sais déjà que pour tous ces mois-là, tu as mis cet argent-là de côté, que tu n'en as pas besoin, puis que tu dis, bon, je vais le laisser pour un an. Donc, dans ce cas-là, au lieu de dire, je vais attendre à chacun de ces mois-là l'année prochaine, puis je vais payer le montant de zakat pour chacun de ces mois-là, tu dis, bon, je sais que pour ce mois-là, c'est 75$, pour l'autre c'est 75, pour l'autre c'est 75, pour l'autre c'est 75. Donc, j'additionne toutes ces sommes-là, puis je paye un total, comme ça, c'est réglé. Et si, par exemple, après ça, par exemple, t'as touché à cet argent-là, puis ça a diminué, et que t'avais sorti la zakat pour cet argent-là, à l'avance, ben dans ce cas-là, le montant, comme j'ai demandé au cheikh à ce sujet-là, au cheikh Ismaïl Mundakar, il m'a dit, dans ce cas-là, l'argent de surplus que t'as payé de zakat, ça va être considéré comme une sadaqa, comme un aumône volontaire. D'accord? Donc, à ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Puis si c'est de l'argent qui a augmenté avec du profit ou des choses comme ça, mais dans ce cas-là, Wallahu a'lam, mais tu devrais plutôt, au lieu de considérer ça, si tu en as plus, mais dans ce cas-là, tu dois payer le surplus, je pense. Mais ça, à ce sujet-là, je ne suis pas certain. Ok, donc, à ce sujet-là, on va passer à un autre exemple, c'est pour calculer maintenant la zakat. Pour aujourd'hui, la valeur de dollar canadien à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 mars 2008. Donc, avec le site que je vous ai donné, c'était 24H Gold ou 24H Gold. Sur ce site-là, on donne les valeurs de l'or et de l'argent à tous les moments de la journée. D'accord ? C'est comme si tu regardes la bourse en direct. Okay? Il te montre l'argent, la valeur de l'or et de l'argent dans différentes monnaies internationales, comme le dollar américain, le dollar canadien, l'euro et tout ça. Donc, les transferts et les calculs sont faciles à faire. Et il te donne même la valeur de l'or et de l'argent pour 1 gramme et pour 1 once. Donc, les calculs sont encore plus faciles à faire. Si on a la valeur d'un gramme d'or, par exemple, c'est encore plus simple que si on a la valeur d'une once. Parce qu'une once, c'est 31,10 grammes. Donc, c'est encore plus facile, comme je disais. OK. Donc, un dollar canadien, on a expliqué, en dollar canadien, un once d'or est égal à 960,74 sous. 960 $ et 74 sous. Ça, c'est pour 31,10 grammes. D'accord? Puis, pour savoir la valeur d'un gramme d'or, hein, c'est 1 gramme d'or est égal à 30 $ et 89 sous. Ok? Et maintenant, si on veut savoir la valeur de cette somme-là, donc pour savoir la valeur d'une somme en dollars, ben dans ce cas-là, on dit, bon, si 1 gramme d'or est égal à 30,89 $, donc pour 85 grammes, eh bien, on va savoir tout de suite la valeur de d'une hissab en dollars. Donc, c'est facile, on fait 85 fois 30,89. Ok, donc c'est 85 fois 30,89 est égal à 2625,65. Ça, c'est la valeur qui est minimum pour devoir payer la zakat. Ok, ça c'est en faisant le calcul par rapport à 1 gramme est égal à 30,89. Ok, et donc à partir de 2625,82, ça c'est le minimum de la somme aujourd'hui à partir duquel tu dois commencer à payer la zakat. Parce que le prix de l'or a beaucoup augmenté depuis l'année passée. L'année passée, une once était égale à 768,15. Aujourd'hui, la valeur d'un once d'or était de 960,74. C'est presque 200 dollars de plus. Okay? Donc, c'est pour ça que le montant du nisab est beaucoup plus grand. Maintenant, en euros, si on veut faire le calcul en euros, aujourd'hui, la valeur d'une once d'or en euros était égale à 641,34 euros. Donc, si on veut faire le calcul, on peut le faire directement pour un gramme, parce qu'il donnait la valeur en gramme. Donc, on peut dire que c'est 85 grammes fois 20 euros et 62. Ça, c'est la valeur d'un gramme en euros. 20 euros et 62 centimes. Et ça donne la valeur de 1752,70. 1752 euros et 70. Ça, c'est pour la valeur du nisab en euros. OK? 85 fois 20 et 62. Et si vous voulez savoir pour tous les jours, n'importe quel jour, vous pouvez retourner toujours au site 24H Gold et il vous donne la valeur à n'importe quel instant. Ça change à chaque fois. Donc, ok, alhamdoulilah, ça c'est pour ce qui a rapport avec comment calculer le nisab. Ok, comment calculer le nisab en dollars et en euros. Donc là, on a les exemples maintenant, ça, je pense que c'est beaucoup plus clair. Mais ça augmente beaucoup le montant par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais expliqué dans le cours? Mais, comme j'ai expliqué, je ne me basais pas sur les bonnes valeurs. اوكي الشيخ دي وما يباح للرجال لبسه من الذهب والفضه qu'est-ce qui est permis pour l'homme de porter quand on parle de l'or et de l'argent يباح للذكر ان يتخذ خاتما من الفضه لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه متفق عليه ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب وشدد النكير على من فعله وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده Donc le cheikh il explique, il dit que il est permis pour le mal, c'est-à-dire pour le sexe masculin, de porter une bague en argent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une bague en argent, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas. Donc il avait une bague en argent, il l'utilisait comme sceau lorsqu'il envoyait des lettres au roi et à différentes personnes. Et donc ça c'est la preuve que c'est permis pour un homme de porter une bague en argent, mais c'est interdit de porter une bague en or. Peu importe que ce soit un adulte ou un enfant, c'est interdit pour le sexe masculin, hein, pour un homme de porter une bague en or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour l'homme de porter de l'or. C'est rapporté dans le hadith de Al-Bara qui est mentionné dans Al-Bukhari. Et il a mentionné de porter une bague en or en particulier, et tout ce qui a rapport avec les bijoux en or aussi, c'est interdit pour les hommes, mais c'est permis pour les femmes, comme on va l'expliquer aussi. Et donc le cheikh il dit que lorsque quelqu'un porte une bague en or, comme c'est mentionné dans le hadith, c'est comme si il portait un charbon ardent dans sa main, parmi le feu de l'enfer. Hein, donc ça c'est très grave de faire une chose pareille. Et les bijoux en général, les autres bijoux autres que la bague, c'est pas permis pour les hommes, même si c'est en argent, comme des chaînes et des bracelets, des trucs comme ça. Ça, les décorations et les bijoux comme ça, c'est juste pour les femmes que c'est permis dans l'islam, et non pas pour les hommes. Après, le cheikh il dit وَيُبَاحُ لِلذَّكَرْ أَيْضًا مِنَ الذَّهَبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةً كَأَنْفِ ورباط أسنان لأن أرجف ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنا عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والحاكم وصححه. Donc le cheikh ici il dit que il est permis pour le sexe masculin de porter de l'or dans certains cas, mais pas des bijoux, des choses qui sont nécessaires, comme par exemple si quelqu'un son nez a été coupé, ou bien il a une dent cassée ou quelque chose comme ça, c'est permis de mettre un nez en or ou une dent de réparer avec de l'or, hein, comme c'est arrivé à un sahabi qui s'appelle Arfaja ibn As'ad. Son nez s'est fait couper le jour de Al-Kilab, quand il y a eu une bataille contre Bani Al-Kilab par exemple, il s'est fait couper le nez, et donc il a pris un nez en or, parce que au début il avait pris un nez en argent, mais le nez en argent commençait à donner une mauvaise odeur. Alors il a remplacé ce nez-là par un nez en or. Et ça, c'est supportable en or pour pas que ça donne une mauvaise odeur. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Et Al-Hakim l'a authentifié. Hein. Et aussi, c'est rapporté par At-Tirmidhi et Al-Nasa'i. Après, le cheikh il dit « وَمَا يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » Qu'est-ce qui est permis de porter pour les femmes parmi les bijoux en or et en argent? Cheikh il dit يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء وأجمع العلماء على ذلك. Le cheikh il dit qu'il est permis pour les femmes de porter de l'or et de l'argent. Et ça c'est l'habitude qui a été c'est l'habitude qui a toujours été courante, que les femmes portent des bijoux en or et en argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de porter des bijoux en général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les femelles ou les femmes de ma umma ont été permis de, on leur a permis de porter de l'or et de la soie, de l'or et de la soie, contrairement aux hommes, parce que ça c'est interdit pour les mâles de ma umma. Et ça c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Et donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que les femmes ont le droit de porter des bijoux en or et en argent, et les ulama ont confirmé ça, et ils se sont tous mis d'accord là-dessus. Il y a un consensus à ce sujet-là. Et quand on parle de bijoux, on parle de tout ce qui est porté par les femmes selon les traditions et les coutumes de leur pays respectif, comme les boucles d'oreilles, les bracelets, hein, les bijoux, les chaînes, tout ce qui a rapport à ces choses-là. Puis dans chaque pays, il y a différentes traditions. Des fois, il y a même des ceintures, hein, qui sont en or, des khilkhal, qu'est-ce qu'on appelle le khilkhal, c'est-à-dire les bijoux, les chaînes qu'on porte, que les femmes portent à leurs chevilles, hein. Et même dans les orteils aussi, il y a des femmes qui portent des bagues en, dans leurs orteils. Donc, en tout cas, il y a toutes ces choses-là, c'est permis pour la femme. D'accord? Et le chef, il dit, « La zakata fi huli nisa min al-zahabi wal-fidda, idha kana mu'addan lil-isti'amal ou lil-i'ara. » لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني وجابر بسند ضعيف ولكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها وقال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنة. Donc le cheikh lui, il prend la position qui est la position du jumhur des ulama, que il n'y a pas de zakat à payer sur les bijoux que la femme utilise et qu'elle porte ou qu'elle prête, qu'elle a pour prêter ou pour porter pour elle-même. Il se base sur un hadith qui dit qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux. Laysa fil huli zakat. Ça, c'est la position de l'imam Ahmad, de l'imam Malik, de l'imam Al-Shafi'i. Hein? Et donc, ça, c'est la position du Jumhur. Et ce hadith-là, en passant, qui est rapporté par At-Tabarani selon Jabir, l'isnad de ce hadith est daïf, comme le cheikh lui-même l'a mentionné. Et At-Tabarani l'a rapporté d'un sahabi. Hein? Et donc, le cheikh, il dit qu'il est daïf, toutefois, c'est supporté par d'autres preuves, ou disons, c'est supporté par le fait que c'est ça qui a toujours été l'habitude, ou qu'est-ce que les gens ont toujours fait. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu l'habitude de payer la zakat sur les bijoux et l'or que les femmes portent et utilisent. Et ça, c'est supporté par un groupe parmi les sahaba, parmi eux, Anas ibn Malik, et Jabir ibn Abdullah, et ibn Omar, et Aisha, radiallahu anha, et Asma, la sœur de Aïcha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Donc, radiallahu anhum ajma'in. Donc, ça c'est leur position. Et l'imam Ahmad a dit, il y a donc cinq parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont supporté cette position-là. Et aussi, c'est parce que, parmi les preuves, c'est qu'on paie la zakat uniquement sur les biens qui augmentent et qui profite. Et si les biens, un bien n'augmente pas, il ne profite pas, ou il n'y a pas d'augmentation de ces biens-là, dans ce cas-là, c'est quelque chose dans ce cas-là qui est comparable à des vêtements qu'on porte. Il n'y a pas de zakat des fois, ou sur un esclave qu'on utilise comme servant pour notre maison, ou pour une maison dans laquelle on habite. Il n'y a pas de zakat là-dessus, parce qu'on les utilise. C'est donc les choses qu'on utilise et qu'on a, comme par exemple une voiture qu'on utilise pour aller faire ce qu'on a besoin de faire, une maison dans laquelle on habite, ça, il n'y a pas de zakat. Toutefois, si tu vends des voitures, ou si tu as des esclaves que tu vends, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais bon, si tu as des esclaves que tu vends, ou si tu as des maisons que tu vends, dans ce cas-là, tu vends des maisons, tu vends des trucs comme ça, tu vends des vêtements, là, il y a la zakat dessus. Hein? Comme on va expliquer ça demain, Inch'Allah. Mais sinon, les choses que tu utilises et que tu portes, il n'y a pas de zakat là-dessus. Et le cheikh, il dit, « وَإِنْ أُعِدَّ الْحُلِي لِلْكِرَاءِ أَوْ أُعِدَّ لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة أو أعد للقنية أو للادخار أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله تجب فيه الزكاة لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر فإن كان دون النصاب فلم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته. Donc le cheikh il dit ici, mais si tu as des bijoux que tu prends et que tu loues, hein, c'est-à-dire une femme elle a des bijoux qu'elle loue ou bien qu'elle garde, qu'elle utilise comme comme une sorte de capital, c'est-à-dire une sorte de capital d'argent qu'elle garde, ou bien elle le préserve, elle accumule ces bijoux-là pour faire comme si c'est une somme d'argent qu'elle garde, et ou bien qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'utilise pas ces bijoux-là, elle les utilise pas, elle les garde juste comme ça, accumulés. Dans ce cas-là, ça reste sur la base. C'est-à-dire que c'est obligatoire de payer la zakat sur ces bijoux-là en or et en argent. Et l'obligation tombe seulement lorsque quelqu'un les utilise ou les prête. Si tu prêtes les bijoux ou tu les utilises pour toi-même, dans ce cas-là, c'est pas obligatoire. Mais si tu les utilises pas, si tu les gardes, comme ça tu les accumules, puis que ça fait pour que ça reste comme une somme d'argent ou bien une valeur que tu pourras utiliser plus tard, hein, si jamais il y a des femmes comme ça, elles accumulent de l'or comme ça, eh ben, ces bijoux-là, dans ce cas-là, il faut payer la zakat dessus. Lorsque cet argent-là a atteint la valeur du nisab qu'on a dit tout à l'heure, hein, soit 62 grammes d'or et pour l'argent c'est 440 grammes. Donc lorsque tu as atteint cette valeur-là, dans ce cas-là tu dois payer la zakat. Oui, c'est ça. Et le cheikh donc il dit وفيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. Donc il faut, dans ce cas-là, si tu l'utilises pas les bijoux en or, tu les utilises pas, dans ce cas-là tu dois payer la zakat. فيما وجوبها فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل. Okay. فإذا بلغ نصابا بنفسه. Donc si cet or-là a atteint le nisab, soit en lui-même, ou bien en l'ajoutant à d'autres argent, dans ce cas-là, il faut payer la zakat. Et il dit donc que si c'est en bas du nisab, وَلَمْ يُمْكِنْ ضَمْهُ إِلَى مَالِ نَعْخَ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ. Donc dans ce cas-là, si elle est en bas du nisab, tu n'as pas atteint la valeur de 62 grammes, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat à payer. Et que tu peux pas l'associer ou l'additionner à d'autres argent, dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat à payer. Sauf, le cheikh dit, sauf si tu l'as pris de cet argent-là, ou cet or, ces bijoux-là, dans le but de faire du commerce avec, dans ce cas-là, tu dois faire la zakat de sa valeur. Payer la zakat sur sa valeur. Après, le cheikh dit, حكم تمويه الحيطان, تمويه الحيطان, وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما. الشيخ الزي le verdict au sujet de recouvrer les murs avec de l'or et de l'argent et de prendre des contenants en or et en argent. الشيخ الزي يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة أو يموه شيء من أو مفاتيحها بهما كل ذلك حرام على المسلم ويحرم تمويهه قلم أو دوات بذهب أو فضة، لأن ذلك صرف يعني وخيلاء. Le chef il explique que c'est pas permis de couvrir les murs et les toits avec de l'or ou de l'argent, et de couvrir non plus les voitures, ou de prendre des clés en or ou des voitures, de mettre de l'or sur les voitures, couvrir les voitures avec de l'or, ça c'est pas permis. Ou de se faire un stylo en or. Le chef il dit que ça c'est des choses qui font partie du gaspillage d'argent, puis d'exagération, puis aussi khuyala, c'est-à-dire c'est une sorte de fierté, de montrer une sorte de khuyala, tu veux te montrer devant les gens, et ça c'est quelque chose de mauvais, ou ostentation comme on dit. ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة أو تمويه الأواني بذلك. Il dit que c'est pas permis non plus de prendre des contenants en or et en argent, que ce soit des assiettes, des fourchettes, des cuillères, des ustensiles, des plats ou des théières ou n'importe quoi, et aller de les faire en or et en argent. Ça, c'est pas permis. Et c'est pas permis non plus de les plaquer d'or et d'argent. Hein? Et le cheikh il mentionne un hadith à ce sujet-là, والذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui boit dans les contenants d'or et d'argent, c'est comme s'il avale dans son ventre, il met dans son ventre du feu de l'enfer. Donc, c'est interdit. On a parlé de ça dans le chapitre qu'on a parlé de la purification des contenants. كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم ذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتم الذهب في أيديهم غير مبالين بالوعيد أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما أباحه الله من خاتم الذهب، ففي الحلال غنية عن الحرام. Le cheikh il dit que il y a des menaces très sévères au sujet de celui qui porte des bagues en or pour les hommes, ça c'est interdit, ou de l'or en général, mais pour l'homme c'est pas permis. Mais il dit malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains musulmans qui portent des bagues en or et qui portent des bijoux en or. Et comme si ils ne prennent aucune importance, hein, ils ne prennent aucune importance à la menace qui a été mentionnée à ce sujet-là, ou bien ils l'ignorent. Et donc, il est obligatoire pour ceux-là de faire tawbah, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir porté des bijoux en or. Et ils doivent se limiter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis, c'est-à-dire de porter une bague en argent. À part ça, c'est pas permis pour l'homme de porter des bijoux en général. Et bien entendu, ça c'est suffisant. Lorsque tu te limites au halal, ça t'enlève le besoin d'utiliser le haram. Et il mentionne le verset qui dit: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا. Il mentionne les versets 2 et 3 dans sourate At-Talaq. Il dit que celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une sortie facile et lui donne sa subsistance de là où il ne s'en attendait même pas. Et celui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Après il dit: نسأل الله للجميع البصيرة في الدين والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه. Donc il dit qu'on demande à Allah qu'il nous donne la bonne vision et la bonne compréhension de notre religion, et qu'il nous aide à agir selon sa charia, et qu'il nous donne la sincérité dans nos actions et qu'on les fasse uniquement pour son visage. Donc, alhamdulillah, on a expliqué donc aujourd'hui qu'est-ce qui a rapport avec zakat al-zahab wal-fidda. On a expliqué les règles, on a expliqué le nisab, on a expliqué qu'est-ce qui est obligatoire à payer sur la zakat. Et on a fait les calculs, on a expliqué comment faire les calculs. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Inch'Allah, demain, on va continuer et on va parler demain de urud al-tijara, c'est-à-dire les inventes, comment on fait la zakat sur comment on paie la zakat, ou qu'est-ce qui est obligatoire de payer comme zakat sur urud al-tijara, ça veut dire la marchandise que tu possèdes pour vendre, hein, qui est dans ton magasin. Eh bien, comment tu fais sortir la zakat de ces biens-là. Donc ça, c'est demain, puis peut-être on aura le temps peut-être de faire zakat al-fitr, mais c'est pas certain. Donc on verra pour zakat al-fitr. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous ai laissé le site pour l'or et l'argent, pour savoir la valeur de l'or et de l'argent. En euros, puis en d'autres monnaies. Et puis ceux qui veulent savoir comment faire le calcul, qui n'ont pas entendu au début, ben l'occasion d'écouter le cours qui a été enregistré, inchallah, plus tard, puis revenir sur ces exemples que j'ai donnés pour savoir comment calculer ça. Puis garder toujours le site que je vous ai donné. Qu'est-ce qui est bien de ce site-là, c'est que à chaque 5-10 minutes, les données se modifient, Yanni. Et tu peux même voir la courbe dans le temps, puis tous les détails en ce qui concerne les valeurs de l'or et de l'argent dans les bourses et tout ça. Donc, alhamdoulilah. Puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là aussi? C'est que pour les questions plus détaillées, ça, bien entendu, faut retourner au ulama et eux, ils vont vous répondre à ces questions-là. Puis, bon, quoi d'autre encore? Ouais, en tout cas, si les autres questions, moi, je suis pas toujours branché sur MSN, c'est très rare que je me connecte. Et des fois même, c'est-à-dire, je suis connecté, mais hors ligne, c'est-à-dire... C'est-à-dire, on peut pas voir que je suis en ligne parce que je me mets toujours invisible. Ben, parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je me mets en ligne, je reçois comme une vingtaine de prêtres qui m'envoient des salams en même temps et j'ai du mal à répondre à tout le monde en même temps. Donc, alors à cause de ça, parfois, j'évite de me mettre en ligne. Mais sinon, bon, essayez toujours, tentez votre chance. Ouais, envoyez-moi des emails, oui. Comme ça, c'est plus facile de répondre si j'ai le temps. Ou bien vous m'envoyez un message même si vous voyez que je suis hors ligne. Et si je suis en ligne, je vous réponds, inchallah. Comme ça, c'est bien. Donc, barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Demain, on va le faire à la même heure. Je sais pas, parce que je pense que pour vous, peut-être ça tombe à l'heure des prières, ou peut-être que ça rentre en conflit avec le dars d'une autre salle, ou d'un autre frère qui donne des douros, ou qui traduit un dars, ou peut-être même il y a un autre des machaires qui fait un dars, parce que le problème c'est que j'ai pas les horaires des autres frères. Donc si je rentre en conflit avec dans le sens avec l'horaire avec d'autres frères, je m'en excuse, c'est pas mon intention, c'est juste que avec le décalage horaire, c'est ça, avec le temps on va s'arranger inchallah pour trouver l'heure qui va être le plus propice pour les autres, parce que de toute façon la semaine prochaine, dans peut-être une semaine environ, on avance d'une heure ici. On avance l'heure, donc ça va changer encore, peut-être probablement qu'on va changer l'horaire, donc inchallah on annoncera l'horaire définitif pour l'été inchallah dans les cours qui vont arriver la semaine prochaine probablement. Et donc demain lundi, inchallah demain matin, on se retrouve pour continuer zakat urud at-tijara bi idhnillah. Donc barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan. Non. Je sais pas le site un peu en France, s'il a été, il y avait un programme, ça fait pas tout le temps. Il y a un de sa disque là.